الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد لونا كل فجلة عندك يوسف يقول لي الصبح برك بوغ ابخي سافوار باسكو كاين استدراكات ها 53 طيب انا عندي 63 دونك شفت راه لاباج 57 و 56 بلوتو سور الجماعة باج 56 وي سي لا فان دو تكست انا عندي 56 تبغي انت عندك 46 باسكو انت وصلت لاباج 53 صح؟ وانا وصلت لاباج 63 عندي في النسخة تاعي Donc, moi, on dit page 56, ce que je vous avais dit la semaine dernière sur le Jama'a, sur le Jama'a, je sais pas, t'as mon droit. Ouais. D'accord. Donc, sur Tafsir le Jama'a, Salah al-Sheikh a des paroles bien claires et profitables. Sur Tafsir le Jama'a dans Salah al-Wasatiyya, dans le tome 1. Parce que Cheikh l'Islam au début de l'Aqid al-Wasatiyya, بعد الحمد, salatu wa salam ala khayri al-anam, il dit فهذا المعتقد أو اعتقاد أهل السنة والجماعة الفقه الناجية والطائفة المنصورة. Donc le jama'a, ما معناها؟ Il dit نصوص في ذكر الجماعة كثيرة وفي الحث عليها والحظ على لزومها والتحذير من مخالفة الجماعة وقد اختلف أهل العلم من المتقدمين في معنى الجماعة وتفسير الجماعة على أقوال. Je vous le dis en arabe. Là, واحد عنده إشكال يقول لي. Comme ça, on gagne un peu de temps, inshallah. القول الأول première parole sur تفسير الجماعة أن الجماعة هم السواد الأعظم السواد الأعظم c'est-à-dire la majorité وهذا التفسير منقول عن ابن مسعود الهذلي الصحابي المعروف وأبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنهما ساق عنهما ذلك جمع منهم اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة قال إن الجماعة هي السواد الأعظم وقد جاء في بعض الأحاديث وفي إسنادها من لا يحتج به أنه قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالسواد الأعظم فأخذوا أن الجماعة هي السواد الأعظم ويعنون بذلك السواد الأعظم في وقتهما وذلك بأنه في آخر وقت ابن مسعود بدأ ظهور الذين ينقمون على عثمان من الخوارج ومن شابههم وحثوا على لزوم السواد الأعظم وهو سواد عامة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. التفسير الأول، la première explication de la jama'a, c'est que c'est la majorité. À savoir que Cheikh dit, la majorité à l'époque de Abdullah ibn Mas'ud et de Abu Mas'ud al-Badri al-Ansari, c'est des compagnons qui sont vivants. Donc, la majorité des gens qui sont présents, puisque les innovations elles commencent à apparaître, ce sont des sahaba. C'est ça qu'ils veulent dire par la majorité. Il ne faut pas comprendre quand il dit que il faut rester avec le jama'a, c'est-à-dire avec la majorité, comme quoi c'est à l'absolu. Mais c'est à leur époque à eux. Ça c'est la première explication. Deuxième, le قول الثاني أن الجماعة هم جماعة أهل العلم والسنة والأثر والحديث. سواء كانوا من أهل الحديث تعلما وتعليما أو كانوا من أهل الفقه تعلما وتعليما أو أهل اللغة تعلما وتعليما فالجماعة هم أهل العلم والفقه والحديث والأثر وهذا القول هو مجموع أقوال عدد من الأئمة حيث قالوا إن الجماعة وإن الفرقة الناجية هم أهل الحديث. Deuxième parole, il dit que ce sont les gens de science. Les gens de science, que ce soit les gens qui s'instruisent ou les gens qui instruisent, les enseignants ou bien les élèves. Il dit les gens de science dans les différents domaines. Et c'est également rapporté de nombre de personnes. كما ذكر ذلك الإمام أحمد بقوله إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. Imam Ahmed رحمه الله, il a dit si ce n'est pas أهل الحديث, je ne sais pas c'est qui. الجماعة, si ce n'est pas أهل الحديث, je ne sais pas c'est qui. وذكر ذلك أيضا عبد الله بن المبارك ويزيد بن هارون. A évoqué également cela. Donc Abdullah ibn Mubarak, qui est de l'époque de l'imam Malik, puisqu'il est né en 118 de l'Égypte, il est mort en 181, et Yazid ibn Harun. Wa jama'a min ahli al-ilm, wa qala akharun hum ahli al-ilm kama dhakarahu al-Bukhari. خلاصه هذا القول ان الجماعه هم اهل العلم واهل الحديث واهل الاثر ساق تلك الاقوال الخطيب البغدادي في كتابه شرف اصحاب الحديث باسانيدها الى من قالها وهذا الذي اشتهر عند العلماء بل عد إجماعا أن المعنى بالجماعة وبالفرقة الناجية هم أهل الحديث والأثر يعني في زمن الإمام أحمد ومن قاربه لأنهم هم الذين نفوا عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وهم الذين نصروا السنة ونصروا العقيدة الحقة وبينوها وردوا على من خالفها وأعلنوا عليه النكير min kulli jiha. Donc la deuxième parole, ce sont tout simplement les gens de science, les gens qui s'instruisent ou les gens qui enseignent, les gens qui s'attribuent à Ahl al-Hadith. Troisième parole, et parmi les grandes références qui ont dit ça, l'imam Ahmed. Troisième parole, le qawlu thalith, anna al-jama'a hum ashabu rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Troisième parole, c'est que ce sont les compagnons. Al-jama'a, ce sont les compagnons. Wa hadha al-qawl mansoubun ila al-khalifa Umar ibn Abdul Aziz al-Umawi, radiyallahu anhu. Cette parole-là, elle est attribuée au grand tabi'i, Umar ibn Abd al-Aziz, rahimahullah. Wa hadha al-qawl dalilun wadih, daliluhu wadih, wa huwa anna nabi sallallahu alayhi wa sallam qala fi ba'd al-fadli hadith al-iftiraq, hiya al-jama'a, wa qala fi al-fadlin ukhar, man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawma wa ashabi. Ma'na dhalika anna al-jama'a hiya al-sahaba. Donc il dit, cette parole-là, elle est claire, dans le sens que dans le hadith sur l'iftiraq, ma communauté va se diviser en 73, c'est quelle la fraction sauvée. Dans une version il a dit le jama'a, dans une autre version il a dit ceux qui sont sur ce que moi je suis en train de faire et ce sur quoi moi je suis et mes compagnons. C'est une parole de qui, Omar, Omar ibn Abdelaziz, le khalifa, le calife. Non. Le qawl al-rabi', quatrième parole, wa huwa qawl nadkuruhu lakin la dalil alayh. Quatrième parole. Le cheikh dit, on va la citer, mais il n'y a absolument aucune preuve là-dessus. Anna al-jama'a hiya ummatul islam amma. Il dit, le jama'a, c'est que c'est tous les musulmans. Walakin hada batil. Il dit, ceci est une parole fausse. Liannahu yunaqidu hadith l'iftiraq. Car il est en totale contradiction avec le hadith de la division. Fayna hadith al-iftiraq yubayyin anna ummatul islam, yani ummatul ijaba, taftariqu ila 73 firqa. Ce hadith-là, il vient parler de cette nation-là qui va se diviser en 73 groupes. Donc comment est-ce que le jama'a qui sera sauvé, elle contient tous ces groupes-là. C'est pas possible. Et tafsir al-jama'a bi annaha ummat al-islam yunaqid al-hadith munaqadatan wadihatan sariha. طيب قول الرابع قول باطل لا يصح. القول الاخير, cinquième et dernière parole, ان الجماعه يراد بها عصبه المؤمنين الذين يجتمعون على الامام الحق فيدينون له بالسمع والطاعه ويعقدون له البيعه الشرعيه. Il dit, cinquième parole, le jamaa, c'est ceux qui restent sous l'autorité du gouverneur musulman et qui lui font pacte d'allégeance et d'obéissance dans l'obéissance d'Allah. واختار هذا القول, a choisi cette parole, Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah ta'ala, al-mufassir al-ma'ruf, mutawaffa 310, il est mort. Wa jama'a kathir min ahli al-'ilm qalu li annahu bi hadha yahsul al-ijtima' wa al-i'tilaf idha kana 'ala imam haqq. Idha kana kadhalika fa hadhihi al-aqwal kama tara mutabayyana, walakin fi tahdid man hum ahli as-sunnah wal-jama'a nahtaju ila أن نعلم هذه الأوصاف التي ذكرت في هذه الأقوال وتحقيق المقام أن الأقوال الثلاثة الأول وهي القول بأن الجماعة هم السواد الأعظم أو أن الجماعة هم أهل الحديث والأثر أو أن الجماعة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأقوال متقاربة. Il dit, les trois premières paroles, elles sont proches les unes des autres. Yani ceux qui disent que c'est la majorité, c'est-à-dire à l'époque des Sahaba, ceux qui disent que ce sont les gens de science, ceux qui disent que ce sont tout simplement les compagnons, les trois ils vont ensemble, elles ne se contredisent pas. وهي من اختلاف التنوع لأن الجماعة الذين هم السواد العظم كما فسرها أبو مسعود البدري يعنون بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفسر أكثر أهل العلم الجماعة بأنهم أهل العلم والأثر والحديث لأنهم تمسكوا بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد. والجماعة المراد بها صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحصل إذن أن هذه الأقوال الثلاثة ترجع إلى معنى واحد, وأن أهل السنة والجماعة هم الذين تابعوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعوا أهل العلم والحديث والأثر في أمورهم. أما قول ابن جرير الطبري رحمه الله فهذا صحيح, وهو أن الجماعة هم عصبة المؤمنين الذين اجتمعوا للإمام الحق. وتبيان ذلك مما يبين حصيلة هذا الكلام ويقرره أتم وأوضح تقرير أن الجماعة مقابلة للفرقة والافتراق يقابله الاجتماع. D'accord, comme tout. Donc le cheikh, il retient les trois premières paroles et il dit que la cinquième, elle est également appréciable et on peut la prendre en considération. Amma la quatrième, il dit la tasluh. La cinquième, c'est que ce sont les gens qui prêtent allégeance au hakim, au gouvernant musulman, et dans l'obéissance d'Allah, etc. Hada Cheikh Salah ibn Abdelaziz al-Sheikh dans le Sharh al-Wasatiyya, Sharh al-Aqid al-Wasatiyya. On avait aussi un passage, Cheikh Fawzan, le Faqahullah, il disait que Moi j'ai page 59, donc tu dois avoir, Youssef, je pense, page 49. Il dit que. في حديث الافتراق حديث sur la division كونهم كلهم في النار لا يدل على كفرهم sont tous en enfer, ça veut pas dire que ce sont des kuffar. À la fin de, juste quand il explique man kana ala misli ma ana alayhi wa yawm wa ashabi, à la fin, trois pages avant le, dans le passage قال المؤلف passage 107 ومن اقتصر على سنة رسول الله وما كان عليه اصحابه والجماعة فلجع على اهل البدع كلها. Dernier passage qu'on a fait la semaine dernière. Donc il dit que le fait qu'ils qu'ils sont en enfer, ça ne veut pas dire que c'est des kuffars. وإنما يدل على الوعيد الشديد في مفارقة السنة منها ما هو كفر, il y a des choses c'est de la mécréance, منها ما هو ضلال ومنها ما هو معصية. Donc on avait une question la semaine dernière, est-ce que quelqu'un il sort de l'islam à travers le kufr, il sort de Ahl al-Sunnah à travers le bid'a, mais est-ce qu'il sort à travers de Ahl al-Sunnah à travers le ma'siyah? Je fais aussi al-hada. Est-ce que quelqu'un à travers des péchés il sort de l'islam ou la? Cheikh Ibn Uthaymin dans Fatawa al-Aqida, le mujallad numéro 1 de Majmou' al-Fatawa, page 39, il dit, quand en parlant de firqa al-Najiyah, il dit والنقص من هذه الخصائص لا يخرج الإنسان عن كونه من الفرقة الناجية لكن لكل درجات لكل درجات مما عملوا والنقص في جانب التوحيد ربما يخرجه عن الفرقة الناجية مثل الإخلال بالإخلاص وكذلك في البدع ربما يأتي ببدع تخرجه عن كونه من الفرقة الناجية. دي quelqu'un qui a un amoindrissement dans l'ikhlas, dans le tawhid, il peut sortir de la firqa al-najiyah. Quelqu'un qui a des innovations, il commet des innovations, il peut sortir de la firqa al-najiyah. اما في مسألة الأخلاق والمعاملات فلا يخرج الإخلال بهما من هذه الفرقة وإن كان ذلك ينقص مرتبته. Il dit quelqu'un qui a faiblesse dans l'akhlaq, le comportement, le caractère, mu'amalat, les différentes transactions, etc. Il dit il ne sort pas de Ahl al-Sunnah à travers cela, malgré que ça a un impact sur son degré. وقد نحتاج إلى تفصيل في مسألة الأخلاق فإن من أهم ما يكون من الأخلاق اجتماع الكلمة والاتفاق الحق الذي أوصانا الله تعالى به شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك إلى آخر الآية. Il dit dans le domaine du comportement, ça on a besoin de quelques explications. Mais à tous les cas ici, il cite pas que tu pourrais sortir de Ahl al-Sunnah al-Ma'asi. Cheikh Jaz al-Juhani hafidhahullah, سألته فقال لا يخرج من أهل السنة بارتكاب المعاصي لكن لا يمنع ذلك دخول النار. Quelqu'un qui a des différents péchés, tant qu'il ne se les rend pas halal, il ne sort pas de Ahl al-Sunnah. Donc s'il se les rend halal, il sort de l'islam complètement. Mais il dit il est sous le mashi'a, ça veut dire que ça ne veut pas dire qu'il ne rentrera pas en enfer. Ça se peut qu'il rentre en enfer à cause de ses péchés qu'il commet. إذا كان مرتكبا للكبائر ومات على ذلك. S'il est auteur de grands péchés, malgré qu'il a une conviction qui est saine et il est déchu d'innovation, il peut rentrer en enfer. ومات على ذلك. إن لم يغفر الله له أو يشفع فيه الشافعون. Si Allah ne lui pardonne pas, ou bien si il n'y a pas d'intercesseur qui intercède en sa faveur, ou d'autres choses qui feront que il se peut qu'il rentre au paradis sans passer par l'enfer malgré les péchés qu'il a, etc. Donc l'asl, c'est que quelqu'un, même auteur de péché, etc., il ne sort pas de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, malgré que ça a un impact. Ça a un impact, comme l'a dit Cheikh Ibn Uthaymin dans le Fatwa Hadik. Il a dit, لِكُلِّنْ دَرَجَاتُ مِمَّا عَمِلُوا. Chacun, il aura des degrés selon ses actes. Voilà. Malgré ça, il dit que le shirk, ça peut quand même le faire sortir. Mais... Oui. Le shirk, il a un impact. Ça veut dire, si ça le fait sortir de l'islam, Aman Hadrosh, il est plus musulman. Si c'est moindre que cela, le shirk asghar, il est plus grave que le bid'a. Shirk asghar, il est plus grave que le bid'a. Donc il dit qu'un sahib al-bid'a yakhruj min ahli sunnah, min babi awla sahib al-shirk al-asghar. Donc le shirk dit quelqu'un qui a un khalal fil ikhlas, déjà il est sujet à ça. Quelqu'un qui a des innovations, il est sujet à ça, de sortir de ahli sunnah. Amma quelqu'un qui a un problème déjà dans le tawhid de base, c'est-à-dire il sort de l'islam, yakfur. Quelqu'un qui sort de l'islam, yakfur. On ne parle plus de Ahl al-Sunnah wa Jama'a. Sous le Cheikh Salih al-Fawzan, عن من أظن يطوف بالقبور هل يخرج من أهل السنة. Le Cheikh s'est exclamé, هذا ليس مسلم أصلا. ليس لبي مسلم. Il n'est pas musulman. Il n'est pas موحد. كيف تسأل أنت هل هو من أهل السنة وغير من أهل السنة. ليس من أهل الإسلام أصلا. C'est pas un مسلم. Il lui dit, c'est pas qu'ils sont أهل السنة ولا أهل البدع. Il lui dit, sort de l'islam, c'est encore pire. نعم. هذا ما ce que j'ai trouvé, يعني باختصار. Et sur le qiyas qu'on avait la semaine dernière, شرح الورقات للشيخ سعد الشتري. يدي الجويني عبد الملك الجويني رحمه الله يدي: وما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. سيسالة ديفينيسيون القياس رد الفرع إلى الأصل استاذ faire ramener, on va utiliser ces mots-là, une branche vers un fondement à cause d'un de quelque chose qui réunit les deux. يقول بعض الناس إن يقول بعض الناس je vous lis en arabe, vous me dites: إن القياس دليل مستقل تؤخذ منه الأحكام على سبيل الاستقلال. Certains savants ils utilisent القياس, l'analogie, ils disent que c'est une preuve indépendante. Le kitab, le sunna, l'ijma, le qiyas. وطائفة يقولون القياس في الحقيقة طريق من طرق فهم النصوص الشرعية. D'autres ils disent que c'est un moyen de comprendre les textes religieux. لأنه عندما تأتينا حادثة لا نعمل فيها قياسا إلا إذا كان ذلك القياس مستندا على أصل ثابت بالكتاب أو السنة. فالقياس في حقيقته توسيع مجاري الحكم الشرعي. وعلى كل فالقياس في اللغة مأخوذ من الفعل قاس بمعنى أنه عرف مقداره. وقد يطلق القياس في اللغة على المساواة. Donc il dit le qiyas, on utilise ce terme-là en langue arabe pour indiquer justement une unité de mesure, pour indiquer une mesure ou une unité de mesure. Et on peut l'utiliser également pour donner une équivalence. مثلاً يقال فلان يقاس بفلان. يعني أنه يساوي. Un tel, on peut le mesurer à un tel. C'est-à-dire ils sont à peu près équivalents. طيب والمعنى الأول أقوى في اللغة من المعنى الثاني. أما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. هذا هو تعريف القياس في الاصطلاح. Ça c'est la définition chez الأصوليين. رد يعني إرجاع وإعادة الفرع الناشئ إلى أصل متكلم فيه في الشريعة. Il dit, tu parles d'une branche, d'un sujet quelconque, et tu le ramènes vers une base dans laquelle la législation s'est prononcée. مثلا, مثال ذلك, exemple, جاءنا في الشريعة أن الخمر حرام. Dans الشريعة, on sait que le خمر, l'alcool, est interdit. Le vin. وبينت الشريعة أن العلة في ذلك الإسكار. Et pourquoi c'est interdit? Parce que ça rend ivre. Tu perds la raison, ça te rend ivre. فلما وردت علينا بعض المشروبات الحديثة من أنواع المخدرات. Il dit, puisqu'il y a d'autres choses qui sont venues apparaître, que l'héroïne ou le hashish. Il dit, il y a différentes drogues qui sont apparues, comme l'héroïne ou le hashish. وغير ذلك ألحقناها بالخمر لأنها تماثله في العلة. Ils ont dit donc, c'est pas cité dans le Coran, l'héroïne, ou la cocaïne, ou le hashish, mais ça a les mêmes effets, voire plus graves, voire moins graves. Donc ils ont pris la base qui est l'alcool. Ils ont dit l'alcool, il a tel effet sur le corps humain, il a tel méfait, tel cada. Ils ont dit ça a des effets plus néfastes, moins néfastes, plus rapides, plus graves, etc. De là, ils ont fait une mesure. Arftum. Et c'est ça qu'on avait parlé la semaine dernière, Bad. Les drogues par rapport à l'alcool. قال فعندنا أصل قد تكلم الشارع عنه وحكم عليه وهو الخمر. On a une base. الأصل c'est quoi? الخمر. الله il a parlé du خمر et il a donné un حكم dessus. وحكمه في الشريعة التحريم. Quelle est sa loi dans la sharia? L'interdiction. والمعنى والسبب والعلة الذي من أجله حرم الخمر هو الإسكار. Pourquoi ça a été rendu haram? Parce que ça rend ivre. Tu perds la raison. فلما جاءت هذه المخدرات الجديدة وجدناها محتوية على العلة التي من أجلها حرم الخمر وهي علة الإسكار. Quand on a mesuré, on a pris ces différents éléments, les ingrédients, on a vu que ça a la même conséquence. C'est que ça rend ivre, tu perds ta raison, etc. فقلنا بتحريم هذه الأشياء الجديدة وقلنا إن الحد الثابت على الخمر يثبت على هذه الأمور ونمثل بمثال آخر. جاءنا في الشريعة أن من قتل بآلة قتل بها كما هو رأي جماعة من الفقهاء. فلما جاءتنا آلة جديدة كالمسدس وغيره ألحقناها بالآلات القديمة كالسيف ونحوها. فعندنا أصل وهو السيف وعندنا فرع وهو المسدس وعندنا حكم وهو ثبوت القصاص بناء على القتل به وعندنا علة وهي أن كل منهما آلة نافذة في الجسم حادة. يدونا notre exemple en fait avec il dit que dans la charia, comme c'est la parole de beaucoup de juristes, que si quelqu'un est tué avec une arme, on le tue avec la même arme. Il dit, c'est cité dans les textes, l'épée. Il dit, aujourd'hui, il y a d'autres types d'armes, les armes blanches qui sont apparues, etc. Il dit donc, on a fait la même unité de mesure. Quelqu'un qui tue avec ça, on le tue avec ça. Oui, il y a différentes... يعني المقصود أن المنصوص عليه هي السيف Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus de moyens de tuer, beaucoup plus d'armes que ce qu'il y avait à l'époque. Donc, ils ont fait la même unité de mesure. Ensuite, il donne un même exemple sur le fait de monter dans une voiture par rapport à l'époque où ils montaient sur des chameaux, etc. Là, c'est pour donner des exemples sur Al-Qiyas. طيب نوصل المسير point numéro 108 قال المؤلف رحمه الله وعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قتل عثمان بن عفان وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف فتحاربت الأمة وتفرقت واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع فهو كمن أحدثه فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدع وهو أضر على هذه الأمة من إبليس. نادر تبي مدوني شرح الشيخ نجمي en français s'il te plaît. قتي يوسف تفضل يعني اقرأ. Sachez que la religion originelle est ce qui a commencé à la mort du prophète sallam jusqu'à l'assassinat de Othman radiallahu anhu, car son assassinat constitua la première division et la première divergence. La communauté rentra en conflit, se divisa et chacun suivit ses envies et ses passions et le penchant vers ce bas monde. Mais personne n'a la permission d'effectuer un acte parmi une innovation qu'il a apportée, c'est-à-dire tout ce sur quoi n'étaient pas les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'il y ait un homme qui prêche à une des choses que les gens de l'innovation ont apporté avant lui. Et celui-là devient comme celui qui l'a innové en premier. Et celui qui prétend à cette chose où on parle, en parenthèse il appelle, a contredit la sunna et a divergé de la vérité du groupe. Il a autorisé l'innovation et il est pire pour cette communauté que qu'Iblis lui-même. طيب اكسبليكاسيون يجي واعلم ان الدين العتيق ما كان من وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا قتل عثمان بن عفان يعني ان الجماعه الصافيه التي لم يحصل فيها اختلاف هي ما كان في عهد الخلفاء الثلاثه يدي استدير كو لا او الاسلام il était vraiment pur dans son caractère le plus net c'est à l'époque des trois premiers califes à savoir ابي بكر وعمر وعثمان لانه في فتره الخلفاء الثلاثه ما حصل اختلافات. Abu Bakr, il a commencé sa khilafa en l'an 11. Et Uthman, il a terminé sa khilafa en Dhul Hijjah de l'an 35. Donc ça fait 24 ans. لأنه في فترة الخلفاء الثلاثة ما حصل اختلافات. وكان المسلمون جماعة واحدة متفقين على الحق. Les musulmans étaient unanimes, étaient ensemble sur une même conviction, sur une même voie. فلما حصل مقتل عثمان رضي الله عنه حينئذ انفتح للناس باب الخلاف والشرور والفتن بمقتله رضي الله عنه. Quand Uthman a été assassiné, la porte يعني de la divergence, des problèmes, des discordes, de la zizanie s'est ouverte à travers sa mort. قوله قول المؤلف وكان قتله أول الفرقة. Parce que son assassinat constituait la première division. أول الفرقة حصل بسبب قتل عثمان. Suite à l'assassinat de Uthman رضي الله عنه, الفرقة a commencé. لما قتل اختل الأمن. Quand il a été assassiné, الأمن il a commencé. اختل الأمن, c'est-à-dire que la sécurité et la paix a pris un coup. C'est-à-dire que la zizanie a commencé à prendre du terrain. اختلال. Perturbé. Il était perturbé. وتفرقت الجماعة وظهرت الفرق الضالة. تفرقت الجماعة. Le groupe ici. Divisé et les fractions égarées sont apparues. Donc, il s'est passé ce qui s'est passé, ce qui est connu dans l'histoire. Malgré cela, malgré les discordes qu'il y a eu, la religion elle est préservée. Man arada al-haqqa wa arada al-khayra fa ma alayhi illa annahu yarji'u ila al-kitab wa as-sunnah wa ma alayhi jama'at al-muslimin. Celui qui veut le bien, celui qui veut la vérité, il doit revenir à ce sur quoi il y a à citer le Coran et la Sunna, et ce sur quoi sont le groupe des musulmans. وسيجد الحق واضحا وإن كثر الخلاف والفتن والشرور. Il va trouver que la vérité elle est claire comme de l'eau de roche, même s'il y a eu énormément de divergences, énormément de discordes. وسبب مقتل عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد العادل ذي النورين. La cause de la mort de Uthman رضي الله عنه, calife bien guidé, calife juste, ذي النورين, l'auteur des deux lumières, c'est-à-dire il s'est marié avec deux filles du prophète alayhi salam, c'est pour ça qu'on l'appelle ذي النورين. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si j'avais une troisième fille, je l'aurais donné. أن يهوديا من يهود اليمن يقال له عبد الله بن سبا ويلقب ابن السوداء. Un juif provenant du Yémen qui s'appelle Abdullah ibn Saba al-Yahoudi. Il est nommé Ibn al-Sawda, le fils de la Noire. لأن أمه حبشية, car sa mère elle vient d'Éthiopie, d'Abyssinie. أظهر الإسلام خداعا. Il a fait apparaître aux gens qu'il était musulman. خداعا, الخداع, تعرفوا الخداع, trahison. ثم جاء إلى المدينة. Il est venu à Médine. وجعل ينفث في الناس مسبة عثمان وتنقص عثمان. Il est venu. النفث, c'est le fait de souffler. النفث. Hey, ça vient de là. ينفث في الناس, c'est-à-dire dans le sens que il propageait ou il soufflait aux gens, il leur disait que عثمان فيه كذا, مسبة عثمان, يسب عثمان, il insultait عثمان رضي الله عنه, et il l'avilissait. يريد بذلك نقض عهد المسلمين. Il veut à travers cela que les musulmans enlèvent leur pacte d'allégeance et d'obéissance. وتشتيت المسلمين. Il voulait diviser les musulmans. ودعاة الضلال يجدون من يتبعهم ويميل ويصغي إلى كلامهم. Il dit, les prêcheurs de tort, ils trouvent des gens qui les écoutent, des gens qui se penchent, يميل ويصغي إلى كلامهم, qui écoutent. L'isra, c'est le fait d'écouter. Hein? فارعها سمعك أو أصغي لها. Qui écoutent attentivement et qui penchent vers leurs idéologies. هذا في كل وقت وفي كل حين. Ça c'est à toute époque. À toute époque, à tout laps de temps, il y a des gens qui sont comme ça. دعاة الضلال تجد كثيرا من الطغام والسفهاء يصغون إليهم ويتتبعون أخبارهم. Il dit donc, les prêcheurs de tort, tu trouves beaucoup de الطغام. الطغام, يعني, c'est les gens qui n'ont pas de قيمة. Les gens qui n'ont pas de علم, qui n'ont pas de valeur, qui n'ont pas de الرعاء. السفهاء, les faibles d'esprit, الجهال. ويصغون إليهم ويتتبعون أخبارهم. C'est-à-dire, ils les écoutent attentivement et ils cherchent à connaître qu'est-ce qu'ils ont dit dernièrement, etc. كما قال الله تعالى ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. مصحف من فضلك. سورة الأنعام, سورة 6, verset 113. Et pour que les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se penchent vers elle, qu'ils les agréent et qu'ils perpètrent ce qu'ils perpètrent. وَلِيَقْتَرِفُ مَهُمْ مُقْتَرِفُونَ. نعم. قال اجتمع على ابن سبا من الجهال ومن الطغام من اجتمع. Des gens ignorants, des gens sans valeur se sont réunis devant lui, auprès de lui. فصاروا يسبون عثمان. Ils ont répondu à son appel, ils ont insulté عثمان. ثم إنه انتبه له. Ensuite, les gens, ils ont pris conscience de ce qu'il était en train de faire. انتبه له, c'est ça. Les gens ont pris conscience de ce qu'il était en train de faire. Ils ont découvert un peu qu'est-ce qu'il était en train de manigancer. فهرب من المدينة إلى مصر. Il s'est enfui vers l'Égypte. ووجد جماعة هناك. Il a trouvé des gens sur place. وذهب إلى غير مصر. ووجد جماعة فتألب حوله طوائف من الأشرار. Donc il dit, ذهب إلى غير مصر. Il est parti ailleurs que مصر. Il a trouvé des gens, جماعة فتألب حوله. التأليب, c'est comme تأليب الناس على الحكام. C'est le fait de remonter la foule contre le gouvernant. تألب حوله طوائف من الأشرار. C'est-à-dire, il y a des gens qui se sont mis autour de lui. J'essaierai de vous ramener un mot plus clair sur تألب. Il y a un mot qui est واضحك en français, qui lui correspond. طوائف من الأشرار. Pourquoi il n'y a pas de تنوين à طوائف alors qu'il n'y a pas d'alif lam? ممنوع من الصرف. كان على وزن فواعل تسا يباد يباد تنوين مساجد يباد مساجد. طيب طوائف من الأسرار. ثم جاءوا وحاصروا عثمان رضي الله عنه في بيته. Ils sont venus et ils ont entouré la Hasaru. C'est comment on dit en français? Comme embargo, mais c'est encerclé la maison de Uthman radiyallahu anhu. بحجه انهم يريدون المناظره مع عثمان. Ils ont dit on veut débattre avec lui. ومراجعه عثمان في امور. Ils veulent discuter avec lui, débattre avec lui et ils veulent un نقاش, dialogue avec lui sur certains sujets. هذا ما اظهروه. Ça c'est ce qu'ils ont déclaré. أنهم يريدون المفاهمة منه والمحاورة معه. They discuter avec lui, veulent se comprendre sur certains sujets. فالصحابة رضي الله عنهم ما قاتلوهم. Les compagnons ne les ont pas combattus. ما قاتلوهم بالألف. قاتلوهم, ils ne les ont pas combattus. أما ما قاتلوهم, ça voudrait dire ils ne les ont pas tués. فرق بين القتال et القتل. قتلا et قاتلا, c'est deux choses différentes. في الحديث, quand tu passes devant quelqu'un, فليقاتلهم, c'est pas فليقتلهم. لأنهم يريدون مراجعة عثمان فقط. فلما كان بالليل والعياذ بالله هجموا على عثمان في داره وقتلوه في آخر الليل. Quand la nuit est tombée, au cours de la nuit, هجموا, الهجوم, c'est l'attaque. Ils ont attaqué عثمان, se sont introduits chez lui et ils l'ont tué. Cette fois, قتلوه, c'est pas قتلوه. قتلوه, يعني ils l'ont tué à la fin de la nuit. والناس نيام. وفي موسم الحج. Je vous ai dit, il est mort في ذي الحجة. À la fin du mois de ذي الحجة. Or les gens, كثير منهم كان في موسم الحج. مشكل موسم الحج ينتهي الثالث عشر أو الثاني عشر من الشهر. هدوزوا الانتخاذ. مش رايك؟ ايه نية من النوم. دونك سيتي لا نوي. بوكو يسون ابسون يسون في موسم الحج. اي بوكو يدورم في آخر الليل. يدورم أنكور. وأغلب الصحابة في مكة. وهذا ما خططوا له. بلوبار دي كومبانيون زيتي على مكة. اي سي سكيزون تخطيط. سي سكيز افي بلانيفيي. Ils avaient planifié ça, في الليل, ناس نيام, في شهر ذي الحجة, كثير منهم في سفر, في موسم الحج. فقتلوه رضي الله عنه مظلوما. عند ذلك حدثت الفتنة والتفرق والاختلاف والاختتال بين المسلمين. Donc ils l'ont tué injustement. Et à ce moment-là, la discorde est apparue. Et la divergence, la division. Et les tueries entre les musulmans. ولا يزال المسلمون يعانون من هذا إلى الآن. Et les musulmans ne sont toujours pas à l'abri de ce qui s'est passé à cette époque-là, en l'an 35, jusqu'à nos jours maintenant. Non? Mu'anat, c'est subir. Fulan yu'ani min marad al khatir. Un tel, il subit une lourde maladie, etc. Si, je peux te demander. Non. Je sais pas, peut-être qu'il en a parlé avant, mais il n'y avait pas. Il était rapporté qu'il est mort il y a une goutte de son sang qui tombait sur Mescar. Oui, Cheikh l'a mis de Kurha Huna, là, qui est marouf à fait tarir. Le verset, il est tombé fil Baqara, quand il y a le Coran. La goutte de sang, le sang, il est tombé sur le verset. Fasayk fikahum Allah, wa huwa as-sami'u al-alim. Allah, il te suffira d'eux. Et c'est lui l'audient, le. L'omniscient. Saïm. Là, il y a des riwayats. Le cheikh ici, il n'a pas détaillé beaucoup. Yani, juste, il a cité d'où elle est venue cette. C'est pas par ignorance, des fois qu'il ne cite pas des choses. Yani, tu vois, Fil-Kutub. Tu vois dans des endroits où il fassole, des fois dans des endroits où il ne fassole pas. Des fois, il donne tout, des fois, il ne donne pas tout. Ala hasab al-hal, ala hasab al-mawdou'. Allahu alim. Qala qawluhu fa laysa li ahadin rukhsa. En général, masadir, c'est kitab Tabari, al-tarikh. Ou bien Ibn Kathir, Al-Bidaya ou Al-Nihaya. En général, c'est deux sources de lesquelles les savants ils prennent des explications détaillées. Quand tu trouves une histoire détaillée, tel gars a fait هذه الكتب. قوله فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Personne n'a la permission d'effectuer un acte parmi une innovation qu'il a apporté, c'est-à-dire tout ce sur quoi n'étaient pas les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم. هذه هي القاعدة. أننا عند الاختلاف نرجع إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولا لا غيغ. Quand on diverge, on revient sur quoi était le messager et ses compagnons. كما قال عليه السلام لما سئل من هي الفرقة الناجية؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نرجع إلى هذا. Prophète صلى الله عليه وسلم, quand il a été interrogé sur la fraction rescapée ou bien le groupe sauvé, il a cité ce sur quoi lui il est et ses compagnons. Ce sur quoi lui il est à cette époque-là et c'est ses compagnons. Et c'est à cela qu'on doit revenir. قوله أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع فهو كمن أحدثه. Ou qu'il est un homme qui prêche à une chose que les gens de l'innovation ont apporté avant lui, celui-là devient comme celui qui l'a innové en premier. قال الذي يروج. C'est ça? Non, au-dessus. من عمل بالبدعة فهو كمن أحدث البدعة. Celui qui applique l'innovation, c'est comme celui qui l'a inventé. كما يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد كما نرى في دو حديث دو عائشة رضي الله عنها celui qui introduit dans notre enseignement celui-ci ce qui n'en fait pas partie ce sera rejeté et celui qui fait un acte qui n'est pas conforme à nos enseignements ce sera rejeté il dit الشيخ فمن عمل بالبدعة فهو مبتدع ولو كان الذي أحدثها غيره celui qui applique une innovation il la met en application etc. Il la met en œuvre. Il est innovateur. Même si c'est pas lui qui l'a inventé. Il dit c'est quelqu'un d'autre qui l'a inventé cette chose-là. Moi je fais que la mettre en application. On utilisera le hadith man amila amalan. Et celui qui l'a inventé, on utilisera le hadith man amila amalan et man ahdatha fi amrina puisque c'est lui qui l'a inventé. Qawluhu qawl al-muallif rahimahullah al-Barbahari فمن زعم ذلك وقال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدع وما وهو أضر على هذه الأمة من إبليس. Et celui qui prétend cette chose ou en parle, il appelle à contredire la Sunna et à diverger de la vérité et du groupe, et il a autorisé l'innovation et il est pire pour cette communauté qu'Iblis lui-même. Il dit الذي يروج البدع ويزهد في السنن هذا أضر على الأمة من إبليس. Donc celui qui est tarwij, on a dit c'est quoi? Propager. C'est-à-dire qu'il ne donne pas de la valeur à sunan. Il dit aux gens, il n'y sait rien, ou kada. Tazhid fi sunan, tazhid fi l'ilm. Celui-là, il est plus nuisible pour la nation que Iblis, al-Shaytan. Lien al-Nas ya'rifuna anna Iblis adou. Les gens savent bien que le Shaytan, c'est un diable. Inna al-Shaytan alakum adouun fattakhiduhu adouwa. Inna ma yad'u hizbahu yakunu min ashabi al-sa'ir. Allah, dans beaucoup de versets de Coran, il dit que c'est un ennemi. Il a dit à Adam alayhi salam, il l'a dit à toute la nation. Wa anna Allah hadharana minhu. Allah nous a mis en garde contre le diable. Lakin hadha la yadri kathiru min an-nas annahu adu. Mais celui-ci, c'est-à-dire celui qui propose des innovations, qui yuzahid fil ilm wa sunan, il avilit ou descend au moins de la valeur de la sunna de la science. Hadha, les gens ne se rendent pas compte que c'est un ennemi. Yannahu mutalabbisun bil islam wa bil ilm. Car il fait apparaître l'islam qu'il parle au nom de l'islam, il parle au nom de la science religieuse. Wa yatadhaharu bil khayr fa huwa adarru min iblis al-musarrih bil adawa. Donc il est plus nuisible que Iblis qui est un ennemi déclaré. Wa lidhalika al-munafiquna akhtaru 'ala al-muslimina min al-kuffar. C'est pour cela que les hypocrites ils sont bien plus dangereux pour envers les musulmans que les mécréants. لأن الكفار معلوم أنهم كفار أما هؤلاء فيتظاهرون بالإسلام الكفار يتجي شوي مكريان شخوا با تون سينيور شخوا با تون بروفيت سي ان انمي ديكلاري أما المنافق ليبوكريت il apparaît devant toi en tant que ami et proche et allié alors qu'en réalité c'est un ennemi qui est caché ويكيدون للمسلمين سرا في داخل الجماعة المسلمة فهم أخطر donc ils sont bien plus dangereux ولهذا قال الله جل وعلا فيهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون الله يدي dans le Coran هم العدو هم العدو dans ce verset les ulama disent كأنه حصر العداوة فيهم c'est comme s'il a limité le fait que l'ennemi c'est eux comme ils ont traduit en français c'est bien traduit l'ennemi c'est eux comme si c'est eux le seul ennemi هم العدو فاحذرهم ce sont eux l'ennemi prends garde à eux قاتلهم الله qu'Allah les كيفا l'extermine les combattent أنا يؤفكون نعم في تعليق الشيخ نجمي نشوف كما جستيل شكرا كم لي فوالا دي تغني extermine هنا يقال كالله اللي يستخدمين. Il dit, Cheikh Najmi, rahimahullah, déjà sur le passage précédent, Faïda, il dit, le passage précédent avant celui-là, il dit, وَكَذَلِكَ الدِّينَ مَا زَالَ مُسْتَقِيمًا وَإِنْشَدَّ الشَّوَاذ فِي الثَّلَاثَةِ الْقُرُونَ Dans les trois premiers siècles. Le Cheikh, il dit, c'est quoi un siècle ? Il dit, قال Cheikh Najmi, rahimahullah, هذا بِعْتِبَارَ أَنَّ الْقَرْنِ هُمُ الْجَمَاعَ مِنَ النَّاسِ يَشْتَرِكُونَ فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ. Certains savants disent que Al-Qarn, ce n'est pas un siècle, mais Al-Qarn, بالمعنى الشرعي, c'est ceux qui sont à une même époque. Et ils l'ont limité à تحديده بسبعين سنة. Ils l'ont limité à 70 ans. Les hadiths, أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la vie de ma nation, des gens de ma nation, ce sera entre 60 et 70 ans. وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ. Et c'est les peu qui vont dépasser les 70 ans. رواه الترمذي. وصححه الألباني رحمه الله. قال التي انتهت بمئتين وعشرة هجرية. Il dit, trois siècles, ça se termine à, en an, 200, comme 210, avec ce calcul-là. ثم دخل القرن الرابع. Donc, avec cette explication-là, le quatrième siècle, ou bien la quatrième génération, on va dire, ça commence à 210-211. وبدأ الامتحان بخلق القرآن. خلق القرآن, ça apparaît quand ? Oui, mais ça apparaît quand, exactement ? Le Ma'moun, il a déclaré ça quand ? Non, 214, il a commencé à propager ça, et il est mort, le Ma'moun, en 218. D'accord. Donc, Cheikh dit, si on prend les trois premières générations, 210, et juste après, les fitan, elles ont pris du... voilà, de l'ampleur. وَبَدَى الْإِمْتِحَانِ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ بِالْقَوْلِ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ إِلَّا أَنَّ السَّوَادَ الْأَعْظَمُ وَهَلْ الْحَدِيثِ مَا زَادُوا الْحَقِّ. Si ce n'est que la majorité et les gens qui s'attribuent au hadith, comme on a vu avant les explications, ils étaient sur la vérité. وكذلك أهل الحديث الذين يتبعون الأثر في كل الأزمنة فهم على الحق دائما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس وهذه الطائفة هي التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق بقوله هم الجماعة أو هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. Ensuite il dit انبعث ابن السوداء اليهودي. Donc on a dit c'est ابن سبا. انبعث الخبيث يشيع التفريق. Il est allé à Médine et il a provoqué la discorde. ويتكلم في الخلفاء. Il parlait sur les خلفاء, les califes, notamment Uthman. وبالأخص في Uthman. Plus spécifiquement sur Uthman radiyallahu anhu. ويزعم أن الخلافة كانت لعلي. Puisque هو مؤسس مذهب الرافضة. C'est lui, ça vient de lui, Ibn Saba al-Yahudi. Donc ils ont une exagération envers Ali radiyallahu anhu. Et les autres, ils les avilissent. قال وأن أبا بكر وعثمان وأن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا مغتصبين لها. اغتصاب c'est quoi? La prise de force. Eh ouais. Violation. Comme quoi, il a dit qu'Abu Bakr, Omar et Uthman, ils ont violé le droit de Ali. Ils lui ont pris le khilaf. Hein. C'était pas eux. Et ils se l'ont approprié. وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ أَشَاعَ الْوِصَايَ لِعَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَبَذَرَ أَوَّلَ بُذُورِ الْخِلَافِ بِدَعْوَتِهِ السِّرِّيَّةِ. C'est le premier qui a commencé à semer les grains de la divergence. وَنَقْدِهِ لِعُثْمَانِ ibn Affan fi ما يزعم وأنه عمل وعمل. Il a dit Uthman, il a fait ceci, Uthman, il a fait cela. كقولهم أنه أتم الصلاة بمنى. Il a dit Uthman, il a pas respecté la sunna du prophète. Il est allé à Mina pendant موسم الحج, au lieu de faire 2 rakat, il a fait 4. معروف المسألة هذه. وأنه, et ça j'aimerais bien, un frère, il nous fait une recherche dessus, je sais pas c'est quoi. قولهم أنه طرد أبا ذر من المدينة. Ils ont dit Uthman, il a expulsé Abu Dhar de Médine. Je sais pas c'est quoi. C'est quoi la dernière bête à la semaine prochaine? C'est-à-dire, c'est quoi le transposé? C'est quoi qui s'est passé exactement? Pourquoi Uthman il a viré Abu Dhar si c'est prouvé? Alash? Chez Abu Bakr, il nous a expliqué. Tu parles de Aliha? Oui. Ah ouais, parce que? Il a dit Abu Dhar, il a demandé l'autorisation au Khalif, afin de partir à une ville proche de Médine pour être imam. Il a dit vas-y. Et au moins, ils interprètent comme quoi il l'a expulsé, parce qu'il n'était pas d'accord avec lui. طيبين. وغير ذلك من الأمور التي كان يتكئ عليها عبد الله بن سبأ عليه لعائن الله من أجل أن يبغض عثمان أن يبغض عثمان إلى الناس. Il a dit, il a cité d'autres choses encore aux gens, tout ça pour provoquer la haine des gens envers Uthman. فاستجاب لهم من استجاب. Il y a des gens qui ont répondu à son appel, وهم الخوارج أي أول نشأة الخوارج فتكاتبوا وجاءت فرقة من مصر وفرقة من العراق إلى غير ذلك. Les gens se sont écrits les uns aux autres. Il y a un groupe qui est venu d'Égypte, il y a un groupe qui est venu d'Irak et d'autres. فاجتمعوا في المدينة se sont réunis à Médine. وكلهم وكلمهم بعض الصحابة منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم خرجوا. علي leur a parlé. Ils sont partis. فسافروا يومين. Ils ont voyagé deux jours. ثم رجعوا وزعموا أنهم وجدوا كتابا من عثمان رضي الله عنه بقتل محمد بن أبي بكر رضي الله عنه. Ensuite, ils sont partis. Ils sont revenus. Ils ont dit qu'ils ont trouvé un livret dans lequel Uthman avait ordonné le fait de tuer Muhammad ibn Abi Bakr. Le fils de Abu Bakr رضي الله عنه qui est mort qui est né juste avant Moussa ibn Hajj. فحصروا عثمان في داره حتى أدى بهم الأمر إلى أن قتلوه. Donc il dit ils ont encerclé sa maison jusqu'à ce qu'ils ont ils l'ont assassiné Uthman. Oui, c'est lui. Abdullah ibn Saba al-Yahoudi yulaqab ibn Sauda, c'est-à-dire on le surnomme le fils de la noire, sa mère elle était noire tout simplement. C'est Yémen, non? هو يمني. هو يمني. أما النسبة, نسبة. Est-ce que c'est une ville? Est-ce que c'est الله أعلم, je sais pas. Est-ce que هرب في تاريخ طبري هرب حتى لمصر. C'est ce qu'il vient de dire. راح لمصر et il a réuni là-bas des gens. بعد مصر. هاه؟ بعد في مصر. أيوة. واضح. نوصلوا. قال المؤلف رحمه الله ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة وحقيق أن يتبع وأن يعانى وأن يحفظ وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. Celui qui connaît ce que les gens de l'innovation ont délaissé comme sunna et ce dans quoi ils ont été la cause et ce dans quoi ils ont été la cause de divergence, puis s'y accroche, il est un adepte de la sunna et un adepte du groupe sauvé, et il mérite d'être suivi, d'être aidé, préservé, et il fait partie de ceux dont le prophète Hassan a incité à suivre en parenthèse. شرح إكسبليكاسيون قوله ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة ومن فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة وحقيق أن يتبع وأن يعانى وأن يحفظ وهو ممن أوصى به رسول الله عليه الصلاة والسلام. أي في قوله هم من كانوا على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. C'est-à-dire que le prophète صلى الله عليه وسلم a donné une recommandation à leur sujet en disant que la fraction sauvée ou le groupe sauvé ou la fraction rescapée sont ceux qui sont sur la voie conforme de celle du messager et de ses compagnons. أوصى بأن نكون معهم. Il nous a recommandé, il nous a incité au fait de rester avec eux. مع هذه الجماعة ومع هذه العصابة avec ce groupe-là. ومع هذه الطائفة avec cette fraction. التي هي على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لكن هذا يحتاج إلى أمرين. الشيخ دي ceci exige deux choses. الأمر الأول العلم. Première des choses, la science, le savoir, la connaissance. بأن نتعلم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Connaître ce sur quoi était le prophète et connaître ce sur quoi étaient ses compagnons. أما الجاهل فهو لا يعلم هذا. L'ignorant ne sait pas. وقد يظن أن ما عليه المخالف هو ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ليس كذلك. Des gens qui ne sont pas sur la voie prophétique, comme il est ignorant, il ne sait pas ce sur quoi était le prophète, donc il va voir des gens sur des choses, ils vont dire ils sont également sur une voie de droiture, ce qui n'est pas le cas. Donc ça demande de la science. Pour être sur la fraction sauvée, le groupe sauvé, il faut connaître. Al-amr al-thani, la deuxième, la patience. Al-sabru al-thabat ala ma alayhi al-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu. Patienter et rester ferme sur ce sur quoi était le messager et les compagnons. Yanna man tamassaka bis sunnah سيلقى عنة وتعبا واحتقارا وازدراء أو تهديدا من الناس. Car celui qui s'attache fermement à la sunna, il va trouver sur son chemin العنت. العنت c'est المشقة. En français, difficulté, là, hein? Ok, pénibilité. Comme dans le verset, لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. قال العلماء عزيز عليه عنتكم. C'est-à-dire que العنت, il est éprouvant pour lui. Il veut pas que vous soyez sur une difficulté, sur un caractère pénible, sur une, comme vous avez dit, malgré qu'il y ait une différence entre le haraj et le mashaqqa, mais c'est pas le moment de l'expliquer. وَتَعَبًا la fatigue, احتقارًا c'est-à-dire que les gens ils vont t'avilir, وَزْدِرَاءً ازْدِرَاءً c'est pareil, le fait de sous-estimer. وَلَا قُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا dans surat Hud, الْإِزْدِرَاء. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدي الحديث في البلوغ لَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ ne regardez pas celui qui est au-dessus de vous. ولكن انظروا الى من هو اسفل منكم وقد celui qui est en dessous de vous. Pourquoi? فهو اجدر الا تزدروا نعمه الله عليكم. Car à travers cela c'est plus propice que vous n'avilissiez pas le bienfait qu'Allah vous a donné. Quand tu regardes quelqu'un qui a mieux que toi, tu dis moi j'ai rien. Quand tu regardes quelqu'un qui a moins que toi, tu dis moi j'ai beaucoup. واضح. هذا هو الازدراء. او تهديدا من الناس. تهديد c'est que il y a des gens qui vont te menacer. Des gens qui vont te menacer. لكن عليه أن يصبر ولا يتضعضع عن الحق. Il dit, il faut patienter et ne pas تضعضع. يتضعضع, c'est-à-dire, il n'est pas ferme sur la vérité. Il trouble. Une fois il est comme ça, une fois il est comme ça. Il se penche à droite, à gauche. Il n'est pas ferme. ثابت. ولا يساوم عليه. يساوم, c'est-à-dire, il n'accepte pas de contrepartie. المساومة. Ou bien, on te dit, laisse tomber ta religion. On a tes cadres. Je vais te donner un poste. Je vais te donner ceci, cela. On t'a un azal. Kemal Moudahan. Le cheikh dit derrière Wala yatan azal ou an shay imminhu. Ils ne vont pas sa religion bi arad min ad-dunya. Wali hada ja'a an al-qabid ala dinihi fi akhir al-zaman kal-qabid ala al-jamr. C'est pour ça qu'il est venu dans le hadith. Celui qui yaqbid. Yaqbid, c'est-à-dire il tient fermement. Celui qui tient fermement sa religion à la fin des temps, c'est comme celui qui tient une braise. Ou bien c'est comme quelqu'un qui piétine des épines. Quelqu'un qui piétine des épines, c'est douloureux. Quelqu'un qui tient une braise dans sa main, il ne va pas pouvoir la tenir longtemps. Il va falloir qu'il la lâche. Là, khabat al-shawk, la arifouha. Fi al-hadith. Le ma'ruf al-qabid al-jamr. Est-ce que le sheikh il a donné un autre exemple pour qarrab al-ma'na, tout ça? Ou la jaat fi hadith, Allahu alim. En tout cas, c'est mu'lim, c'est-à-dire que celui qui s'attache à sa religion réellement, c'est douloureux. لِمَا يَلْقَى مِنَ الْمَشَقَّةِ مِنَ النَّاسِ وَالْعَنَةِ وَالْتَعَبِ فَيَحْتَاجُ إِلَى الصَّبْرِ. Donc les choses ne sont pas si faciles que ça. Il y a besoin de patience, de patienter, de se raffermir à ce sujet-là. Ça suit en toile. Dero. On n'aura pas le temps, je pense pas. Après, il faut aller à l'Had. Ça tombe bien, on est vendredi. Ça a été l'Ijaba avant le Maghreb. Le Seigneur a été fait rire les doua. Après, il faut aller à l'Had. Sur les ta'liqat, je vais essayer de vous ramener un peu moins de ta'liqat parce que je sais que c'est profitable, mais on ne peut pas s'étaler beaucoup sur Tafsir al-Jama'a, tout ça. Il y a des trucs, notez-les parce qu'il y a des trucs que je ne pourrais pas vous reciter une deuxième fois. Parce qu'à chaque fois, on perd pas, il y en a un quart d'heure, mais équitablement, on avance plus doucement à cause de ça. Quelqu'un veut dire quelque chose là? Non, alors. Parce qu'il y a des gens d'Arobia, la campagne, qui étaient venus à Carthage. Si vous avez fait 2 à 4, si vous avez bien, la prière, c'est 2 à 4. on a fait ça derrière le calife, là c'est 2 rakat. Alors mon couple c'est 4 rakat. Les ulama ils ont donné des explications là-dessus. Ils ont dit il est venu vivre à la Mecque. Donc donc il faisait pas. Il y a des explications des ulama là-dessus. Sur la plupart des reproches qu'ils ont fait à Uthman, ils ne tiennent pas debout, yani, les reproches qu'ils lui ont fait. Taram, on a dit c'est unas la qimata lahum, unas la ilma lahum, des gens qui n'ont pas de science, des gens qui n'ont pas de valeur, des qima soufaha taqriban nafs al-shay aw al-shay nafsuhu. C'est pas des bourrates. عدد سكي مباشر القتل سي 3 او 4 بيرسون في كتب التاريخ دي سي 3 او 4 بيرسون كيلون اساسيني دي سكي عثمان الى با لم يقاومهم لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبره انه سيموت على بلاء يصيبه كنت ابو بكر اللي رونتري لو دي من هذا لا بيرسون كي voulait lui ouvrir la porte قال ابو بكر لانفورمي البروفيت صلى الله عليه وسلم لو دي اذن له وبشره بالجنه ensuite عمر اللي venu إذن له وبشره بالجنة ثم عثمان قال إذن له وبشره بالجنة على بلاء يصيبه على بلوة يصيبه بلاء يصيبه بلوى يعني بل يغيبه من إبخاف ومغير أبخي سولا donc ils disent il a pas لم يقاومهم لأن en plus كان مسن c'est-à-dire qu'il avait un âge avancé عثمان il est mort à 82 ans contrairement aux autres khulafa qui sont morts à l'âge 63 التفاصيل هذو تلقاها في كتب التاريخ إن شاء الله طيب نقف عند هذا الحد هذا والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم